cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir, bab fi mufsidati al-sawm. وذكر المؤلف حفظه الله تعالى بعض المفاسد فمن يذكر بعض هذه المفاسد تفضل الجماع نعم هذا يفسد الصوم كذلك ماذا ذكر نعم الأكل والشراب متعمدا أما الناسي الذي أكل ناسيا نعم محذور لأنه ما أكل بقصده متعمدا celui qui mange involontairement أي par oubli فهذا كما جاء في الحديث فليواصل صومه أمان يزيد فضل إنزال المني أحسنت بشهوة بتعمد أما الاحتلام أي في النوم فهذا كذلك لا يضر لأنه بغير قصد ماذا ذكر كذلك عندما تفضل الحجامة ماذا قلنا في الحجامة لا تفطر الصائم على الصحيح أي سان الصيام على الصحيح لكن الأفضل c'est de la faire hors Ramadan hors la nuit الأهم المهم de ne pas la faire la journée et tout ce qui ressemble à الحجامة comme les dons de sang إلى آخره فسا rentre في هذا التقيؤ est-ce que ça annule الصيام التقيؤ c'est le vomissement فالصحيح أنه سانل بصية أما volontairement فواضح أما volontairement فالصحيح c'est que سانل بصية لكن كما ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان il se fait pas vomir volontairement في نهار الصيام pour sortir de ce خلاف s'il n'y a pas de حاجة fa pas besoin de faire هذا خاصة في نهار الصيام et d'autres points qu'on a vu في هذا الباب C'est un bab muhim. Al-muftirat, al-mufsidat. Mufsidat al-siyam. Kadalik, بعض العلماء l'appelle al-muftirat. هذا, c'est un bab muhim. لأن المؤمن يجب عليه الإمساك في هذا الوقت. Il n'a pas le droit de manger, boire, etc. فيجب عليه أن يعرف ما يفسد صومه وما يبطله. Et كما تقدم, il y a des choses. في الحقيقة, tu peux diviser هذا الباب en trois. Il y a des choses qui annulent clairement al-siyam, kal-akl, wal-jima', etc. Ça, c'est bien les jima'. Il y a des choses, en aucun cas, ça annule al-siyam, mais c'est clair. Comme le fait de se laver, de se parfumer, d'utiliser siwak, il a akhir. On les fait, wallahi alhamd, sans aucune gêne. Bel, si c'est siwak, c'est une sunna. Il y a des masa'il, kama taqaddam ma'ana, et en fait, nous n'avons pas détaillé ce livre pour débutants, c'est pas un livre où on détaille. C'est un sa'il qui a un khilaf qawi baina ahl al-ilm. Kal hijama wa at-taqayyu 'amdan. Fa hadhihi al-masa'il walaw si on choisit annaha ça annule pas as-siyam, fa al-ijtinab awla. من باب الاحتياط كما تقدم من كلام بعض أهل العلم. Si la mas'ala elle est pas claire ou le khilaf il est قوي, فالمسلم يبخذف son صيام. فكيس كي va perdre si il fait pas le hijam في رمضان ou dans la journée. Il va rien perdre. S'il en a besoin il fait la nuit ou avant رمضان ou بعد رمضان il préserve son صيام. خاصة s'il a des doutes. وهكذا التقيؤ إلى آخره. فهذه الخلاصة من هذا الباب المهم. تفضل من يريد يقرأ الأحاديث. قال الإمام الحافظ عبد الغني البلسي رحمه الله عن عبد ربيع عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأديه عنها قال لو كان على قال لو كان على يدين لو كان على أمك لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق يقضى أحق أن يقضى أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت علي إن أمي إن أمي ماتت عليها صوم بذل أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك بيت قضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك عن سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور عن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أتعب وأسقى وروى أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحاب. أحسنت. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى باب في بيان أحكام القضاء للصيام. Après avoir cité, hafidahullah ta'ala, al-muftirat, ce qui annule le siyam, il cite après ce chapitre, هذا الباب, أي القضاء, أي comment rattraper, comment compenser les jours manqués. قال hafidahullah, من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره وجب عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. هذا واضح قصص عن سبب مباح مثلا مسلم يفواياج في رمضان أي مانك un jour, deux jours, enfin, il rattrape. S'il ne fait pas siyam pendant le voyage. Ou un malade. كذلك, celui qui annule son siyam biharamin, kal jima', celui qui a des rapports finahar et ramadan, il rattrape ce jour. Et كذلك, il a une kafara de jeûner deux mois consécutifs s'il a le qudra. S'il n'a pas le qudra, il nourrit 60 pauvres. هذا c'est واضح. أن celui qui a manqué un jour il rattrape. فعدة من أيام أخر. أي le nombre que tu as manqué, que ce soit بعذر شرعي أو بكلك شوز حرام عيادا بالله, فالمسلم على كل حال il doit rattraper. Et s'il a fait quelque chose de haram, bien sûr il yatoube. Et s'il y a une kafara liée à ce péché, comme le fait d'avoir des rapports, فكذلك عليه الكفارة. قال ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته أي أن هذا القضاء الأفضل c'est de se précipiter à rattraper ces jours. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقضي في شعبان أي juste avant رمضان. هذا الحديث montre أن cette durée أي pour rattraper les واسعة في الحقيقة لكن الأفضل c'est de se précipiter كما قال الشيخ الفوزان لإبراء ذمته لأن الإنسان ما يدري متى سيموت وكذلك أن المسلم se précipite à faire le خير ولو مات في هذا الحال فلا شيء عليه لأنه il est encore dans le temps. Et Cheikh Al-Fawzan il va détailler qalila. Donc premièrement, as-sunna c'est de se précipiter. Et celui qui attend فلا شيء عليه, c'est permis. ويستحب أن يكون القضاء متتابعا. Deuxième point, أن الأفضل si un muslim il a manqué plusieurs jours, c'est de rattraper ses jours en un coup s'il a le qudra. مثلا il a manqué trois jours consécutifs, il rattrape trois jours un après l'autre. Tout ça c'est min bab al-afdal, min bab al-istihbab. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan قال ويستحب. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. أي العلماء qui disent que c'est permis de ne pas rattraper ses jours d'un coup, أي un après l'autre. مثلا un muslim il a manqué trois jours de siyam, فالقول الصحيح c'est qu'il a le droit de rattraper un jour مثلا cette semaine ثم un autre jour la semaine d'après ou le mois d'après. هذا c'est permis. ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. Et ces savants qui disent que c'est permis de ne pas rattraper tous ces jours l'un après l'autre, ils sont tous d'accord أن jeûner ces jours un après l'autre c'est أفضل, c'est mieux. هذا قول الحافظ رحمة الله عليه. قال حفظه الله لأن القضاء يحكي الأداء وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه ويجوز له التأخير. نعم bien sûr son intention c'est de rattraper ses jours et يجوز التأخير, il a le droit de retarder. لأن وقته موسع أي وقت القضاء, أي pour compenser ses jours ولله الحمد, tu as une année tant que le Ramadan suivant il n'est pas arrivé. وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه كما يجوز تفرقته. نعم كذلك c'est permis de les jeûner séparément. بأن يصومه أي هذه الأيام متفرقا, لكن إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت. أما سي on est arrivé au mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le mois qui est juste avant Ramadan. Et aujourd'hui, on est, c'est peut-être le dernier jour de Sha'ban, si demain c'est Ramadan. Enfin, si on est au mois de Sha'ban, et mathalan, il reste plus que 5 jours avant Ramadan. On est le 24e ou le 25e jour de Sha'ban, et il a 5 jours ou 4 jours à rattraper. Fa yajibu alayhi de les commencer si on est le 24 ou le 25. لماذا؟ لأن si il ne fait pas le mois de Ramadan il va commencer et il n'aura pas compensé les jours manqués. هذا معنى كلامه. On répète, لكن إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه أي من القضاء من الأيام فهذا لا شك أنه il doit jeûner avant le Ramadan suivant. Un exemple plus clair, واحد il a manqué Ramadan complètement un mois à cause d'une maladie مثلا. Après Ramadan, il est guéri au mois de Shawwal. Donc, à partir du mois de Shawwal, il peut rattraper ce mois. Et on a dit le mieux, c'est de faire le mois un jour après l'autre, complètement, et le plus rapidement possible. Hada, c'est l'afdal. Et yajuzulah d'attendre jusqu'au Ramadan prochain pour rattraper. Enfin, s'il ne le fait pas fi Shawwal, thumma le mois après Shawwal, Dhul-Qi'da, thumma Dhul-Hijjah, thumma le mois de Muharram, il a akhiré jusqu'au mois de Sha'ban. Au mois de Sha'ban, il est obligé de jeûner le mois de Sha'ban entier. لماذا لأن il a un mois à rattraper et il doit le rattraper avant le prochain Ramadan. Enfin, le mois de Sha'ban, il doit le jeûner avec la niya de al-qada. هذا معنى كلام الشيخ. قال فإنه يجب عليه التتابع إجماعا. Et dans ce cas, on peut pas dire أنه il jeûne une semaine ثم il attend et il jeûnera plus tard. Là, il est obligé de le faire l'un après l'autre. لماذا لأن il lui reste que un mois pour le faire et il a un mois à faire. Donc, il doit faire ce mois تتابعا أي un jour après l'autre حتى يكمل. لضيق الوقت ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر. On n'a pas le droit de repousser des jours qu'on doit compenser, qu'on a manqué dans le Ramadan précédent On les repousse après le Ramadan suivant. هذا لا يجوز. قال لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه فيجب عليه صيامه قبل دخول رمضان الجديد. Donc, on doit rattraper les jours manqués avant le Ramadan suivant. Et un an, et c'est largement suffisant. Lakin, ba'dhu al-muslimin, khasatan an-nisa, peuvent avoir une excuse. Bisabab haml, ou radha', une femme qui allaite, haroubama, elle ne peut pas jeûner. Ça dépend des femmes. Certaines femmes, ça ne leur fait aucun mal. Certaines femmes, elles ont du mal à jeûner. Enfin, si elles ne jeûnent pas, toute l'année, elle ne peut pas jeûner. Elle allait de son enfant. Celle qui a un udr et elle n'a pas pu rattraper le mois qu'elle a manqué et le ramadan suivant, il arrive. Quand elle pourra, elle rattrapera tous les jours qu'elle a manqué. Un mois ou plus. Elle a une excuse. Donc le kalam, c'est pour celui qui n'a pas d'excuse. Mais celui qui a une excuse, il est excusé. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Aisha radiyallahu anha, elle avait des jours à rattraper et elle les rattrapait que fi sha'ban. Limada? Limakan rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est min al-adab radiyallahu anha. قال أو أفاد الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه أنها الغطخب في شعبان لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. Donc عليه الصلاة والسلام il avait pas de rapport avec ses femmes في نهار شعبان. Donc عائشة رضي الله عنها l'en profité pour rattraper الصيام في شعبان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم lui aussi faisait الصيام dans ce mois. La plupart du mois, illa qalil, comme a dit le hadith. Et ça, ça montre l'adab avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'adab avec le zawj. Parce que la n'a pas le droit de jeûner un jeûne qui n'est pas obligatoire, illa bi'idni zawjiha. Lakin Aisha radiyallahu anha, pour ne pas mettre mal à l'aise le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander, elle attendait هذه المناسبة أنه lui-même faisait le siyam et elle rattrapait ses jours. هذه فائدة ذكرها الإمام ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام. لأن on peut se demander pourquoi Aïcha a attendu un an pratiquement avant de rattraper. فهذا لأن عائشة رضي الله عنها elle s'occupait du prophète صلى الله عليه وسلم. ثم قال حفظه الله فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعد. Si un musulman, il avait des jours à rattraper, il ne les a pas rattrapés. S'il est excusé, alhamdoulilah, il est excusé. Enfin, quand il pourra, il les rattrapera. S'il n'avait pas d'excuse, fayasoum Ramadan. On ne fait pas passer les jours manqués avant Ramadan. Là, le Ramadan qui est arrivé, مثلاً, ce Ramadan qui va arriver demain ou après-demain, inshallah ta'ala, celui qui a manqué des jours, il fait Ramadan avec niyat Ramadan. Quand Ramadan il sera fini, il rattrapera les jours qu'il avait avant Ramadan. هذا قال ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء. Si il avait une excuse, ففي هذا الحال il rattrape فقط. مثلا on a cité l'exemple d'une femme qui allait, elle avait cette excuse. Un واحد il avait une longue maladie, il avait une excuse. هذا quand il peut, il rattrape, que ce soit avant Ramadan ou après Ramadan. قال وإن كان لغير عذر, s'il n'a pas d'excuse, et il s'est laissé aller, il a retardé, حتى دخل رمضان. Et il avait مثلاً 3 jours, 4 jours à rattraper, il ne les a pas rattrapés. قال وجب عليه مع القضاء, et il doit rattraper, bien sûr, après Ramadan, إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. Il doit nourrir un miskin pour chaque jour manqué. هذا قول. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة. فبعض العلماء قالوا كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن celui qui n'a pas d'excuse il doit rattraper ses jours et après Ramadan vu qu'il ne les a pas rattrapés avant et il nourrit pour chaque jour un pauvre لماذا لأنه il a eu un manque هذا c'est un قول والقول الثاني أنه يقضي ولا فدية عليه deuxième قول أنه il rattrape ses jours et il n'a pas de pauvre à nourrir لماذا لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر Et il n'y a pas de délil où que c'est cité explicitement, واضح, أنه, il doit nourrir un pauvre. في هذا الحال. قال العلامة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. لكن ظاهر القرآن, il a cité les أقوال أن بعض العلماء disent qu'en plus de rattraper son jour, il faut nourrir un pauvre pour le manquement. قال لا, لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك و se restreindre au nos, au délil c'est ça, الواجب on n'a pas de délil qui montre أن pour ce manquement il doit nourrir un pauvre Allah subhanahu wa ta'ala قال فعدة من أيام أخر que ça soit avant le ramadan suivant ou après ça ne veut pas dire que c'est permis de retarder ça y est le kalam قال وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص وهنا خالف الظاهر النص فلا يعتد به أي يشير إلى ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن أبي هريرة بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس وأبو هريرة قالوا بالإطعام لكن ظاهر الآية ما فيها الإطعام فالشيخ ابن عثيمين يقول أنه غست ظاهر الآية سأفضل فالصحيح في هذه المسألة كما قال الشيخ ابن عثيمين فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأتم بالتأخير donc celui qui n'a pas rattrapé avant le ramadan suivant il le rattrape après et il est athem il a commis un péché pour avoir retardé فيستغفر الله إذا بعض الله سبحانه وتعالى أي غط خمس أيام هذا الذي عليه أما الإطعام نغغ دي بوب أن بلس هذا فيه نظر كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في الصحيح إلى سيتي لفيرسي وقال لم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر فالله سبحانه وتعالى لا قصد الإطعام في الآية أما قول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم فاجتهاد منهم donc الصحيح c'est le قول أن celui qui doit rattraper rattrape que des jours il n'y a pas de إطعام في هذا الحال أما قول شيخ الفوزان حفظه الله il est مرجوح الراجح ما قاله الشيخ العثيمين رحمهم الله جميعا ثم قال وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه لأنه تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان جديد فلا شيء عليه أيضا وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم هذه نطخ مسألة وهي في الذي مات وعليه قضاء أي un مسلم qui est mort et il avait des jours à rattraper مثلا un مسلم cette année il est mort et il avait une semaine à rattraper si il est mort et il n'a pas rattrapé avant le ramadan suivant alhamdulillah il est excusé il avait encore le temps et il est mort avant si il est mort et il a dépassé la limite il devait rattraper il n'a pas rattrapé Cheikh Al-Fawzan qala bi al-kaffara wajabat al-kaffara fi tariqatihi sa famille ses proches ils doivent nourrir un pauvre pour chaque jour manqué parce qu'il a manqué 10 jours 10 pauvres Awalan on cite certains hadiths sur le fait de de rattraper ou de jeûner pour celui qui est mort. Les hadiths que بعض الإخوة ont lu au début du dars min Umdat al-Ahkam. Hadith Aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. تأمل هذا اللفظ. Ça va être important. من مات عليه صيام صام عنه وليه. فهنا الصيام il est عام. Il n'est pas précisé un صيام quelconque. Là, من مات عليه صيام. Celui qui meurt, il avait un jeûne, un jour de jeûne à jeûner. صام عنه وليه. Ils sont proches et jeûnent pour lui. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. إن أمي ماتت عليها صوم شهر. فسا مير أسو صحابي رضي الله عنهم elle avait un mois à récupérer et elle est morte. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a dit à son fils de jeûner pour elle. فدين الله أحق أن يقضى. Et c'est comme une dette. Et dans une riwaya le siyam il est précisé إن أمي ماتت عليها صوم ندر. هذا c'est important لأن بعض العلماء ils vont faire la différence entre Siyam ou Nadr et les autres en se basant sur ce hadith. On lit ou on résume cette mas'ala, on essaye de simplifier ثُمَّ نَقْرَ كَلَامِ شَيْخ الْفَوْزَانِ et Inch'Allah ça sera clair. Cheikh Al-Fawzan il différencie entre Siyam Ramadan et Nadr Al-Kaffara. Et vous allez voir que cette différence, ou faire cette différence, est nazar. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. أما إذا كان الميت ما فرط يعني مات في مرضه فهذا لا صوم عليه عند عامة أهل العلم عند جمهور أهل العلم لا يقضى عنه صوم ولا يطعم عنه لأنه غير مفرط معذور. Premier cas, أنه إذا مات هذا المسلم. On donne un exemple pour éclaircir. Un musulman, il a manqué le Ramadan dernier. Il était malade. Thumma, après le mois de Ramadan, le mois de Shawwal, il est encore malade. Kadhalik, le mois de Dhul Qi'da, sa maladie, elle s'aggrave. Dhul Hijja, il meurt. Donc, il a manqué un mois de Ramadan. Lakin, il est mort, il n'a pas pu le rattraper. Il était excusé, il n'a jamais eu le qudra. Fafi hadha al-hal, qawl, ammati ahl al-ilm, أو جمهور أهل العلم كما قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنه il est excusé. On n'a pas besoin de faire siyam pour lui et on n'a pas besoin de nourrir un pauvre pour chaque jour. لماذا؟ لأن أصلا الوجوب il n'était pas concerné. لماذا؟ لأنه il était malade ثم il est mort. Premier cas. Deuxième cas. كلام الشيخ بن باز انتهى. أما si le même exemple il avait, on donne une période plus courte pour que l'exemple soit plus clair, 3 jours à rattraper, il était malade à la fin de Ramadan. Thumma, le mois de Shawwal, il est malade. Le mois de Dhul Qi'da, il est guéri. Donc, il peut rattraper les 3 jours. Thumma, le mois de Dhul Hijja, il a akhiré, il meurt. Donc, il avait un moment pour rattraper, il n'a pas rattrapé. Fafi hadha al-hal, ba'd al-ulama, ils ont un kalam. Et on va فصل لأنه ينخلف. فالعلماء اختلفوا منهم من قال لا يصام عنه ولا يطعم عنه. Le premier قول أنه on ne fait pas صيام pour lui et on nourrit pas de pauvre. مطلقا. Il était excusé أملا. Il pouvait rattraper أملا. على كل حال on ne jeûne pas pour lui et on ne nourrit pas de pauvre. لماذا؟ لأنهم ils se sont basés أن les œuvres d'un autre elles ne sont pas utiles pour le mort. كما قال عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أي الإنسان إلى ce qui lui sera profitable c'est ses œuvres pas celles des autres. فهم قالوا jeûner pour lui il n'y a aucune فائدة. Premier قول. Deuxième قول أنه لا يصام عنه إلا النذر وهو قول أحمد والليث وإسحاق. Deuxième قول, أنه, si c'est un nadr, on fait pour lui. لماذا لأن النذر c'est comme une dette. À la base, c'était pas obligatoire. Un nadr c'est un vœu. Mathalan, un musulman, il a fait un vœu qui doit jeûner 3 jours. Ces 3 jours, ils deviennent obligatoires pour lui. À la base, ils n'étaient pas obligatoires. Lakin, il a fait un vœu, et il se les est imposés, entre guillemets. Enfin, ces 3 jours, ils sont devenus obligatoires pour lui. Yajibu alayhi al-wafa. Et jeûner 3 jours. Fa'yadal hal, ba'du l'ulama qalu, s'il meurt, on doit faire le jeûne. Ah, ou certains de sa famille, plutôt, et c'est mieux de jeûner pour lui. L'imam alayhi anna, ces 3 jours, c'est comme ad-dayn. Et se sont basés sur les hadiths qu'on a lus au départ. Vous avez vu la différence? Amma siyam ramadan, pour eux, ce n'est pas comme une dette, c'est obligatoire pour tout le monde. Fariyad al-hal, yakouloun siyam ramadan, al-it'am. Tu ne jeûnes pas pour lui, lakin al-it'am. Wa nasra hadha al-qawl, al-imam ibn al-qayyim, rahmatullah alayhi bi quwwa, et kadhalik, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah bi kalamin qawi kadhalik. Et Sheikh al-Fawzan, il a cité leurs paroles qu'on lira ensemble. Donc, vous avez remarqué que les ahadiths qu'on a lus, beaucoup de ahadiths, c'est sur Siyam al-Nadr. Ou certains. Je vous relis la riwaya. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. أي sa mère elle est morte et elle avait un jeûne à récupérer qu'elle n'avait pas fait. أي صيام صوم نذر على في ان في فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين. النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé صيام النذر au dayn, à la dette. Il a recommandé à cette femme de jeûner. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi wa kadhalik shaykhuhu Abu al-Abbas ibn Taymiyyah alayhim rahmatullah, ils se sont basés sur ce genre de hadith et qalou il y a une différence entre le nadr et le nadr. D'autres savants qalou la li anna hadha fi al-haqiqa, c'est un exemple parmi tant d'autres. Cette femme elle a demandé siyam nadr li anna sa mère elle avait un siyam nadr à faire. Wa illa فحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه صيام سانغلوب صيام النذر سانغلوب صيام رمضان tout ça صيام obligatoire. Il y a 12 pour les proches de le rattraper pour ce défunt. Et c'est ça le qawl sahih. Le troisième, annahu, tant que c'est un صيام obligatoire, il rentre dans la globalité hadith عائشة رضي الله عنها من مات وعليه الصيام. وهو قول جماعة من أهل العلم ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الشيخ العثيمين والشيخ مقبل عليهم رحمة الله هذا القول في الحقيقة إلى أقرب لماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضي عنه لا قياسا ولكن بالنص وهو حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه وصوم النكرة من مات وعليه صوم شيخ ابن عثيمين يقول صوم نكرة en arabe أي indéfini ça englobe tous les صيام obligatoires enfin, le fait de différencier entre صيام النذر أو الكفارة et صيام رمضان فيه نذر قال صوم النكرة غير مقيد بصوم معين هذا قول جميل شيخ ابن عثيمين وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه pour répondre à ceux qui ont différencié وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو التقرير قاعدة عامة هذا سان كلام قوي أن حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم il a répondu à cette femme ou à cet homme qui lui ont posé la question sur صيام النذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم il leur a démontré أن c'est comme une dette. ف celui qui veut jeûner pour le mort parmi ses proches fa tayyib. حديث عائشة il contredit en rien cela. الحديث عائشة c'est une قاعدة عامة أن celui qui est mort et il avait un jour de jeûne obligatoire à rattraper fa صام عنه وليه. فأين التعارض في الحقيقة il y a aucune contradiction pour rajah entre les ahadith ou le jam' comme a قال الحافظ رحمة الله عليه فهذا هو القول الصحيح الآن نقرأ كلام شيخ الفوزان et إن شاء الله ça sera plus clair قال on a lu le début, fa nakmil. قال وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار. On détaillera pas ces masail, masail fiqhiyya. الرجل qui dit à sa femme أنتي كظهر أمي, il a une kafara à faire, comme في القرآن الكريم. Et cette kafara, c'est صيام شهرين متتابعين, jeûner 2 mois consécutifs, comme celui qui a eu des rapports sur Ramadan. والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج كما قال عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم. أي celui qui a fait le hajj متمتعا, et il n'avait pas le hadi معه, il n'a pas sacrifié, هذا il jeûne 3 jours في مكة et 7 jours quand il rentre chez lui, ça fait 10 jours. Ces deux exemples, c'est obligatoire. Kafaratu dhihar et siyam pour celui qui n'avait pas le hadi. Fa'innahu yut'im an kulli yawmin miskinan wa la yusamu an. Cheikh Fawzan yaqul, pour ces deux cas, yut'im anhu an kulli yawmin miskin, si ce musulman il est mort, et mathalan, il avait ses 10 jours à faire, à cause, pour le hajj. Il est mort, il n'a pas eu le temps, ou il a eu le temps, il pouvait les faire, lakin tasahal, il est mort. Mouhim, il les a pas fait. Cheikh Al-Fawzan yaqul, tu peux pas les faire pour lui. Et le qawl sahih, c'est que tu peux. Li'anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal man mata wa alayhi siyam aw alayhi sawm sam anhu waliyyu. Cheikh Al-Fawzan il a choisi l'autre avis, madhhab l'imam Ahmed, où il yaqul al-it'am. Et le rajih c'est al-siyam. Wa la yusam anhu wa yakun al-it'am min tarikatihi. Tarika, ses enfants. لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت وهذا قول أكثر أهل العلم. نعم. الصحيح ما تقدم. وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه. Vous avez remarqué, الآن pour صيام النذر, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, يقول, tu peux faire صيام pour lui s'il est mort. Et il ne l'a pas fait, alors qu'il devait le faire. لماذا؟ لأنهم, ils se sont basés sur hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et ils ont choisi l'avis que siyam al-nadr c'était pas comme le reste. وهذا فيه نظر لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صيام نذر أفأصوم عنها قال نعم والولي هو الوارث. هذا نعم c'est صحيح في النذر. Et كذلك c'est صحيح pour tous les autres siyams tant qu'il est obligatoire. فالتفريق فيه نظر, le fait de différencier, كما قال Cheikh Al-Fawzan حفظه الله. ثم il a cité les paroles de l'imam Ibn Al-Qayyim et de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah عليهم رحمة الله. قال Ibn Al-Qayyim رحمه الله يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي وهذا مذهب أحمد وغيره والمنصوص عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه. Vous avez vu la différence عندهم أن النذر c'est pas obligatoire à la base أصلا. فهل مثلا c'est واجب عليك de jeûner 3 jours مثلا في شوال أو في شعبان؟ أبدا, c'est pas obligatoire. لكن celui qui fait un vœu, علي أن أصوم 3 أيام في شوال pour telle cause ou autre, فهذا c'est واجب عليه. لماذا؟ لأنه il a fait un vœu. فعندهم c'est différent. قال ابن القيم ورحمه وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين. فعندهم c'est comme une dette contrairement à l'autre. Et في الحقيقة la différence elle est pas claire, لأن حتى l'autre on peut comparer à une dette. Celui qui a manqué une semaine de Ramadan, c'est wajib alayhi de la rattraper. S'il meurt et il ne l'a pas rattrapé, c'est comme une dette. كذلك. فلهذا l'autre قول il est assah wallahu a'lam. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال. هذا القول يقولون أن صيام رمضان tu peux pas le faire à la place de quelqu'un d'autre. لكن الصحيح c'est que tu peux. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم pour le spécifier il faut un autre délit. Et eux ils se sont basés bien sûr sur ce hadith Ibn Abbas, لكن فيه نظر. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال كما لا تدخل الصلاة والشهادتين. أما الصلاة والشهادتين نعم on n'a pas de adilla. مثلا واحد meurt من المسلمين et il n'a pas fait الصلاة et un de ses proches il prend la décision de faire الصلاة pour lui. فهذا لا on n'a aucun دليل. On n'a aucun dalil biada. Amma siyam, on a un dalil. Hadith Aisha radiyallahu anha. Man mata wa alayhi sawmun, sama anhu waliyah. La shaka anna celui qui est mort et il a manqué une semaine de Ramadan, il ne l'a pas rattrapé. La shaka anna alayhi siyam. Donc on applique le hadith, un de ses proches il jeûne pour lui. Qala, fa inna al-maqsoud minhuma ta'atul abbi nafsihi wa qiyamihi bi haqqi al-ubudiyya. التي خلق خلق لها وأمر بها وهذا من لا وهذا لا يؤدي عنه غيره ولا يصلي عنه غيره أما pour الصلاة والشهادتين etc. فهذا واضح أما الصيام فكما تقدم يا خلاف بين أهل العلم وتشوفوا أن الخلاف لقوي لكن الأصح والله أعلم c'est l'avis que il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه. Et on avait fait une kalima ma ba'd al-ikhwan qadiman sur al-a'mal, les œuvres que le proche il peut faire pour son ou que le muslim il peut faire pour son proche qui est mort, ka as-siyam wa al-hajj wa ad-du'a etc. On avait détaillé avec des masa'il et aqwal ahl al-ilm. Fa celui qui veut détailler ce sujet, fa les durus qu'on avait fait ma ba'd al-ikhwan. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطعم عن كل يوم مسكين وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين. هذه المسألة ستأتي معنا بعد. والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. نعم أما صيام النذر يفعل وكذلك للزوطخ الصيام كما نديتي ولله الحمد. هذا الباب إلى مهم كذلك باب القضاء. فعلى كل حال on résume أن celui qui a manqué des jours de Ramadan, du Ramadan précédent فيجب عليه القضاء قبل الرمضان قبل رمضان المقبل. Celui qui a manqué des jours du Ramadan précédent il doit rattraper ses jours avant le Ramadan suivant. Et الأفضل c'est de se précipiter à les rattraper et de les faire jour après jour. S'il avait 4 jours, maintenant il fait 4 jours à la suite. Et il y a 12 de retarder jusqu'à Sha'ban, et il y a 12 kadalik de les séparer. Celui qui retarde sans excuse, il les rattrape après le Ramadan suivant, et il est athé. Amma le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour, fahada fihi nadar, il n'y a pas de délit. Thumma, on a vu, hadhihi al-mas'ala, si ce musulman il meurt, il devait rattraper. Et il est mort. في هذا الحال كذلك العلماء اختلفوا والصحيح انه si c'est un صوم obligatoire que ça soit un nadr que ça soit une kafara qu'il a pas fait que ça soit Ramadan في هذا الحال un de ses proches il jeûne pour lui. C'est afdal. C'est pas wajib, c'est pas obligatoire. لأن si on dit obligatoire on rend obligatoire quelque chose à un musulman انه il a eu aucun taqsir, c'est son proche qui a eu un manque. ففي هذا الحال العلماء يقولون أنه سمستحب كفاص الصيام. من صام من مات عنه أو الحديث نسيت من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا والله تعالى أعلم. Et on avait détaillé ces مسائل أكثر في شرح عمدة الأحكام لأحاديث que les frères ont resté au début du dors et qu'on a relu هنا. نكتفي بهذا والحمد لله.